L'association d'amitié Pakistan-Corée a présenté dans son page d'internet l'histoire abrégée des activités révolutionnaires du général Kim Jong-il, accompagnée des photos de ses activités.